Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 3 du troisième traité, Vertu de Marie, premièrement ses vertus morales. La grâce sanctifiante est appelée par les théologiens Gratia Virtutum et Donorum, la grâce des vertus et des dons célestes, parce qu'elle traîne toujours à sa suite toutes les vertus surnaturelles et infuses qui sont comme ses propriétés essentielles, elles forment, pour ainsi dire, son cortège et lui font assidûment la cour, comme à leur reine. Dieu, en remplissant singulièrement Marie de la grâce sanctifiante, la combla en proportion de toutes les vertus surnaturelles et infuses. Dieu s'est construit une maison, Proverbe 9, 1, cette maison, c'est Marie dont il fit son temple, son palais de délices, il y a taillé cette colonne, lesquelles, selon saint Bernard, sermon 12 de Diversis, sont les sept vertus qui dominent toutes les autres, et les renferment toutes, savoir, les trois vertus théologales, et les quatre vertus cardinales auxquelles se rapportent toutes les vertus morales. Nous traiterons des unes et des autres. Dans ce chapitre-ci, nous nous arrêterons à considérer quelques-unes des vertus morales, nous réservant de traiter des vertus théologales dans le chapitre suivant. Je dis de quelques-unes, parce que si je voulais discourir sur toutes les vertus que Marie possédait à un degré suréminent, les bornes de ce petit volume ne me permettraient pas de le faire avec assez d'étendue. Je me bornerai donc aux quatre vertus cardinales, et à quelques autres vertus intimement unies à l'une ou l'autre de celles-là. Premier paragraphe. Prudence de Marie. La prudence est sans contredit la plus nécessaire entre toutes les vertus morales, parce que c'est elle qui règle et dirige toutes les autres. Il ne peut même y avoir d'acte vraiment vertueux, qui ne soit réglé et dirigé par la prudence. C'est elle qui dans les cas particuliers nous apprend ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter dans les diverses circonstances, afin d'agir toujours selon la droite raison. Dit le Fils don précieux à l'homme au moment de sa création, il le doit d'un discernement parfait, afin qu'il pût connaître en toute rencontre ce qui lui était expédient. Mais le péché ayant obscurci son intelligence, offusqua aussi cette lumière que Dieu lui avait donnée, pour l'aider à connaître et à discerner toutes choses, spécialement en ce qui regarde la pratique. Rien de semblable n'arriva à Marie, exemple de la faute d'Adam, elle le fut aussi de la peine. Son intelligence ne fut jamais obscurcie par les ténèbres du péché et le dérèglement des passions. Bien plus, comme elle était comblée d'une grâce singulière, elle reçut aussi, outre les autres vertus, une prudence consommée qui est la régulatrice de toute vertu solide. Elle fut non seulement prudente, mais très prudente, comme le proclame l'Église, Virgo prudentissima. Elle surpassa en prudence toutes les créatures sorties de la main de Dieu. Ainsi la sagesse divine substitua à Ève, la plus imprudente des femmes, Marie qui en fut la plus prudente. Ève, par sa légèreté et sa crédulité inconcevable, tomba dans les pièges de l'artificieux serpent et fut cause de la chute du genre humain. Marie, par sa prudence, a triomphé de la ruse de Satan, elle a écrasé sa tête superbe, et elle a été cause, jusqu'à un certain point, de la réparation de l'homme, vérifiant ainsi ce qui est dit de la prudence véritable et consommée, qu'elle triomphe de la malice la plus raffinée, prudentia vincit malitiam. Elle fut la première d'entre les vierges prudentes qui alla au-devant de l'époux, avec la lampe allumée, Par sa vigilance, elle se trouva toujours prête à recevoir l'époux dans son lit nuptial, que ne souilla jamais aucune affection terrestre. On pourrait rapporter ici toute la suite de sa vie si sainte, pour faire voir avec quelle prudence elle réglait chacune de ses démarches. On peut le remarquer, et dans la réponse qu'elle fit à l'ange, et dans sa fuite en Égypte, et dans sa conduite aux noces de Cana, et dans tout le reste de sa vie, mais comme ces faits sont connus de tout le monde, je les abandonne à la pieuse considération du lecteur. Seulement je le prie de recourir à la très sainte Vierge, pour en obtenir quelque chose de cette prudence extraordinaire, qui lui fut départie avec tant de largesse car, nous devons l'avouer, nous avons un extrême besoin de prudence pour régler notre conduite, mais où la trouver, Job 28, 12, la demanderons-nous aux politiques, aux mondains, hélas, leur prudence le plus souvent n'est que la prudence de la chair, qui tue les âmes, tandis que la prudence de l'esprit est, vie et paix. Romains 8, 6. Non. La véritable prudence ne se trouve point sur la terre, elle ne se trouve ni dans le cœur ni dans l'esprit des aveugles partisans du monde, Job 28, 13. C'est au ciel qu'il faut recourir, c'est à Marie que nous devons nous adresser, elle invite les petits et ceux qui n'ont pas la sagesse à venir se reposer sur son sein. Sommes-nous petits, sommes-nous insensés? Recourons à Marie, Proverbe 4, 11, elle nous enseignera le chemin de la vraie prudence. Oui, ô Marie, nous avons recours à vous, soyez notre maîtresse, notre guide, dans le périlleux voyage de cette vie mortelle. Pour nous, vous le voyez, nous sommes aveugles, nous sommes insensés. Le sentier que nous avons à parcourir est pénible et désastreux, les dangers qu'on y court sont grands, ils sont fréquents, que dis-je, ils sont continuels. Comment faire pour échapper à tant d'embûches? Nous sommes loin de pouvoir nous appuyer sur notre sagesse et sur nos lumières. Soyez notre guide, soyez notre lumière. Soyez notre conductrice fidèle dans le vaste désert de cette vie, pour nous introduire ensuite dans l'heureux séjour où vous vivez, et régnez dans tous les siècles. Amen. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.